Mes chers bien-aimés, je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez très bien et je vous dis bonjour. C'est vraiment avec plaisir que je vais partager avec vous cette petite exhortation. Frères, je prie Dieu ce matin afin qu'il ouvre les yeux ses enfants. Que Dieu nous ouvre les yeux. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que le diable est en train d'aveugler les enfants de Dieu. Bien-aimé, je te le dis devant le Père, le Fils. Je te le dis devant le Saint-Esprit qui est aujourd'hui sur terre. Je veux que tu réalises et que tu comprennes que le temps là, le temps que nous avons aujourd'hui dans le monde, est un temps précieux. Ça veut dire quoi? Je veux que tu comprennes qu'aujourd'hui, le sang de Jésus qui a coulé à la croix a coulé pour que l'Église soit sauvée. Jésus a dit, je connais mes brebis. Elles entendent ma voix quand je les appelle. Certaines ne sont pas encore dans la bergerie. Il faut qu'elles viennent dans la bergerie. Et Jésus, dans cette affaire, compte sur toi, compte sur moi. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, le temps qui passe là, l'œuvre de Dieu est aujourd'hui accomplie sur terre par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a besoin de nous pour prêcher l'Évangile. C'est le Saint-Esprit qui délivre. C'est le Saint-Esprit qui guérit. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. C'est le Saint-Esprit qui ressuscite les morts. Ce n'est pas l'homme. Mais dans cette affaire, nous devons annoncer la bonne nouvelle. Et le Saint-Esprit fait le reste. C'est lui qui touche les cœurs. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ça, c'est sa part. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Jésus n'a jamais dit le Saint-Esprit viendra. Il va prêcher l'évangile dans les carrefours, partout dans les villes. Mais il a dit aux hommes, aux croyants, annoncez la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit est sur terre. Jésus-Christ a dit, il vous est avantageux. Je vous ai dit que je m'en vais. Vous êtes triste. Mais moi, je vous dis que ça devrait être un sujet de joie pour vous. Car le Consolateur, l'Esprit de vérité, va descendre. C'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Mais il vous dira ce qu'il aura entendu. C'est lui. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va aller prêcher l'évangile dans les métros. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va prêcher l'évangile au lycée. Dieu a besoin de ta bouche. Je veux que tu comprennes, mon frère, ma soeur. Sur terre, il y a des élus. Des élus. Dieu a un plan pour les élus. Si tu fais partie des élus, tu as un plan. Dieu a un plan pour toi. Dieu attend quelque chose de toi. Lorsque Jésus a dit, écoutez bien, je m'en vais vers mon Père, votre Père. Mon Père est aussi votre Père. Je suis venu sur terre, mon Père m'a envoyé. Je veux que tu réalises, ma soeur, mon frère, toi qui fais partie des élus, que le même papa qui est ton père t'a aussi envoyé sur terre parce qu'il a un plan pour toi. Pas pour que tu deviennes milliardaire, pas pour que tu crées des entreprises, pas pour que tu achètes des terrains pour construire des maisons, pas pour que tu aies beaucoup de femmes, pas pour que tu aies beaucoup de voitures, beaucoup de maisons. Mais un plan pour le salut des âmes. Le salut des âmes, parce que c'est ce qui compte pour Dieu. La Bible dit dans l'épître de Pierre que de la même façon que Dieu, il est le même, hein, a détruit le monde d'avant par l'eau au temps de Noé, c'est le même Dieu qui réserve le monde d'aujourd'hui, il va le détruire par le feu. C'est dans l'épître de Pierre. Le plus important pour Dieu, c'est le salut des âmes. Si Dieu t'a envoyé sur terre, c'est pour que tu participes à cette affaire, à cette œuvre. annoncer la bonne nouvelle. Prêcher, imposer les mains aux malades. Ce qui intéresse Dieu quand il regarde la terre, c'est les âmes. Dieu veut que les âmes soient sauvées. Toi qui fais partie des élus, mon frère, ma soeur, c'est à toi de prêcher l'évangile. Tu as des amis. Dieu va te juger. On va rendre compte au tribunal de Christ. Chacun aura à faire le bilan durant ton séjour sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait pour le salut des âmes? C'est la question que Dieu va te poser. Dieu ne va pas te dire durant ton séjour sur terre, tu as construit combien de maisons? Tu avais combien d'épouses? Tu avais combien d'enfants? Non! C'est le salut des âmes. Bien-aimé, s'il te plaît, Dieu te regarde jour et nuit. C'est pour le salut des âmes. La Bible parle des élus. C'est qu'aujourd'hui nous avons sur terre le Saint-Esprit, le Consolateur qui est venu, qui fait l'œuvre de Dieu. Notre part, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit ne viendra pas faire notre part. Jésus a dit, il vous dira ce qu'il aura entendu. Ce qu'il entend de Dieu, il nous le dit. Il nous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. C'est sa part. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui guérit, qui délivre. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le met en fuite. Voilà sa part dans l'affaire. Mais ce n'est pas à lui d'aller dans les carrefours pour prêcher l'évangile. Ça, c'est notre part. Le diable est en train de tromper les enfants de Dieu. Il a mis dans la tête des gens que l'œuvre de Dieu, c'est toute la semaine, on est occupé à nos affaires, on attend dimanche, on vient danser, on donne des offrandes, on rentre à la maison, on attend l'autre dimanche. Non! Non! Les élus ont une part. Nous avons quelque chose à faire dans l'œuvre de Dieu. Dieu est ton Père. C'est le même Dieu qui est le papa de Jésus. Ce Dieu a un plan. Il a décidé de sauver les hommes. Il a envoyé Jésus régler le problème du péché. C'est Jésus, la part de Jésus, c'est de régler le problème du péché. Et il a tout accompli. Notre part dans cette affaire, dans le plan de Dieu, dans le plan, écoutez-moi bien, dans le plan de Dieu, la part de Jésus était de régler le problème du péché. C'est pourquoi les hommes sont gratuitement sauvés. C'est par grâce. Ça, c'est la part de Jésus. Il a terminé sa part. Il est parti. Et Jésus nous dit, votre part, c'est d'annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. C'est ça notre part. C'est ça notre part. Jésus a fait sa part. C'est-à-dire que les hommes ne vont plus en enfer à cause du péché. Les hommes vont en enfer soit parce qu'ils n'ont pas voulu croire à la parole de Dieu, soit ils n'ont pas entendu parler de Jésus. Satan a enfermé beaucoup de gens, des millions de personnes. Il les a enfermés dans des religions. Les religions sont des prisons du diable. Il a enfermé des millions de personnes dans le bouddhisme. Il a enfermé d'autres dans l'islam. Il a enfermé d'autres dans plein de religions. Satan crée des religions. Il a créé des milliers de religions. Les religions sont dans les gens sont enfermés dans leur religion. Jésus n'est pas dans la religion. Jésus n'a jamais parlé d'une religion. Jésus n'est pas religieux. Dieu n'est pas religieux. Dieu n'est pas un Dieu de religion. Il n'a jamais envoyé son fils parler d'une religion. Mais Satan a poussé les hommes à créer des religions pour enfermer les gens dans les religions. Et c'est pourquoi vous voyez sur terre la guerre des religions. Dieu est un seul Dieu. Si Dieu avait une religion, Jésus devait venir nous parler de cette religion-là. Il devait nous donner le nom de cette religion. Or, Jésus n'a donné aucun nom. Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle. Mon frère, toi qui es élu, ma soeur, tu auras des comptes à rendre parce que Jésus a fait sa part. Nous sommes aussi les enfants de Dieu. Le papa de Jésus, c'est notre papa. Donc, ce qu'il attend de nous, c'est d'accomplir sa volonté. Dieu décide de sauver les hommes. Il utilise son fils unique, Christ Jésus, pour régler le problème du péché. Parce que les hommes étaient enfermés dans le péché. Jésus termine sa part. Il dit, ok, comme j'ai réglé le problème du péché, Il ne vous reste plus vous qu'à annoncer cette bonne nouvelle. Tout simplement. Et pendant que nous, les élus, on annonce la bonne nouvelle, le Saint-Esprit, lui, s'occupe de sa part. Quand tu prêches l'évangile à quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui est là. C'est lui qui touche son cœur, car c'est le Saint-Esprit qui convainc. Ce n'est pas toi qui cherches à convaincre. Laisse le Saint-Esprit faire sa part. Ne fais pas la part du Saint-Esprit. Ne cherche pas à convaincre quelqu'un. Annonce seulement la parole de Dieu. Le Saint-Esprit lui-même, c'est son affaire. Et dans cette exhortation, toi qui es l'élu, que tu sois homme ou femme, mais je veux te dire une chose, je te le dis les yeux dans les yeux, ce n'est pas un avantage pour toi si ton cœur n'est pas à fond dans le plan de Dieu pour ta vie. Si Dieu voit dans ton cœur que Satan a rempli ton cœur des choses de la terre, quand tu es au lit, tu ne penses même pas à l'œuvre de Dieu. Quand tu es au lit, toi, tu penses à tes projets. Ah oui, il me faut telle somme dans mon compte bancaire. J'ai déjà construit 2 maisons, il me faut une 3e. Il faut que je voyage au Canada acheter ceci. Il faut que je fasse partir mes conteneurs de marchandises à tel endroit. Tu auras des problèmes parce que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Dieu a un plan. Je vais lire dans le livre de Jérémie au chapitre 1 à partir du verset 4. Jérémie nous raconte ce qui lui est arrivé. Au verset 4, il dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Des nations. Je répondis: ah, Seigneur Éternel, mais moi je suis encore un enfant. Jérémie est surpris. Dieu lui dit: Jérémie, avant que ta mère ne tombe enceinte de toi, moi je te connaissais. Je t'avais déjà même établi prophète des nations. Tu es mon prophète, tu vas prophétiser dans les nations. Tu es mon serviteur. Toi, tu ne le sais pas, mais je te le révèle. Que là où tu es là, j'ai déjà un plan pour toi. Ce plan-là date avant même que tu ne sois formé du ventre de ta mère. Le plan de Dieu, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, le plan de Dieu pour toi, Dieu l'a fait avant même que ta maman ne tombe enceinte de toi. Tout a déjà été ficelé, scellé dans la main de Dieu. Il ne reste plus qu'à accomplir le plan. Donc, ce que tu dois faire, c'est de prier pour que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu te révèle le plan, ce qu'il attend de toi. Mon frère, ma soeur, malheur à toi si tu n'accomplis pas ce plan. Parce que tu auras des comptes à rendre de l'autre côté. C'est important. Oh Seigneur, oh Seigneur. Je vais lire dans 2 Corinthiens au chapitre 5. La Bible dit: car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Vous vous rendez compte la position que nous avons, la responsabilité, ambassadeur pour Christ. Christ Jésus, ce n'est pas un homme. Jésus-Christ, ce n'est pas un ange, c'est le Fils de Dieu. Nous sommes ses ambassadeurs. Vous vous rendez compte de la responsabilité. Vous vous rendez compte du témoignage. Nous devons avoir un bon témoignage parce que nous ne sommes pas des ambassadeurs d'un président ou d'un ange ou du diable. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Donc nous avons intérêt à avoir un bon témoignage, à poser des actes dignes d'enfants de Dieu. Ô Seigneur, que toute la gloire te revienne. Je vais lire dans l'évangile de Marc au chapitre 16. Enfin, il apparut aux 11, on nous parle ici de Jésus, pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru, n'est-ce pas, oh là là, aux personnes qu'il avait vues. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait. Ce n'est pas le Saint-Esprit que Jésus dit, va prêcher l'évangile dans le monde entier. C'est nous, c'est les élus. C'est-à-dire que dans l'œuvre de Dieu, c'est important ce que je vous dis, l'œuvre de Dieu sur terre aujourd'hui, sur le plan spirituel, c'est l'affaire du Saint-Esprit. Dans le naturel, c'est à nous de prêcher la bonne nouvelle. Si tu ne fais rien, le Saint-Esprit va faire quoi? Il assume son rôle. C'est le consolateur, celui qui convainc, celui qui guérit, celui qui délivre. Il est la lumière. Il est la paix, la joie. Il est la vie éternelle. Il est là, jour et nuit, pour accomplir son œuvre. Mais Jésus a dit aux hommes, à vous d'annoncer la bonne nouvelle. Prêche la parole, mon frère, prêche. Ma soeur prêche, exhorte de gauche à droite. C'est l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'il attend de toi. C'est pourquoi il te donne le souffle de vie. C'est pour son œuvre. Jérémie va dire, mais moi je suis encore un enfant. Dieu lui dit, écoute Jérémie, avant même que ta maman ne tombe enceinte de toi, moi je te connaissais déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous les élus, on existait déjà dans le monde spirituel avant de venir sur terre. Avant que ta mère ne tombe enceinte de toi, tu existais déjà. Et Dieu avait déjà un plan pour toi. Tu es sur terre, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour courir comme les païens. Ne suivez pas les païens. Les païens courent derrière les richesses du monde. Combien de personnes, des chanteurs, lorsqu'ils font l'historique de leur vie, ils vont te dire, avant, je chantais dans un groupe gospel. Avant, je chantais dans une chorale. Et le diable les a attirés dans le monde. Mais Jésus a dit, mes brebis, moi, je les connais. Elles entendent ma voix quand je les appelle. Elles viennent. C'est pourquoi Jésus a dit, annoncez la bonne nouvelle. Si on ne veut pas croire à ce que vous dites, secouez la poussière de vos pieds. Il n'a pas dit insister. Il n'a pas dit supplier-les. Il n'a pas dit forcer. Prêche la parole. Parce que c'est la parole qu'il a entendue, qu'il attend devant. C'est cette parole-là qui va le condamner devant, parce qu'il n'a pas cru à cette parole. Donc, l'œuvre de Dieu sur terre aujourd'hui, Dieu a besoin des élus. Le Saint-Esprit est là pour faire sa part. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui va aller dans les lycées, dans les ministères, dans les entreprises ou dans ta famille pour prêcher l'évangile. Jésus a dit aux hommes de le faire, à toi et à moi. Il faut le faire. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin d'une guérison. Tu as besoin, je ne sais pas ton besoin. Tu es bloqué dans ta vie. Tu as prié, prié, prié. Tu ne vois pas de solution. Mais je vais te raconter ce qui est arrivé à un homme qui ne voulait pas faire la volonté de Dieu. Il faut que tu comprennes, toi l'élu, tu es sur terre pour le plan de Dieu, pour la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le salut des âmes. Ne ferme pas ta bouche. Que les gens ne croient pas à ce que tu vas dire, c'est leur problème. Ah non, fais ta part. Quand tu prêches, Dieu te regarde. C'est ce qu'il attend de nous. Un monsieur qui s'appelait Jonas. Dieu, son plan n'a pas changé. Dieu est pour le salut des âmes. Dieu voit le péché dans une ville appelée Ninive. Le péché, l'abomination. Satan était roi à Ninive. Satan. Parce que là où il y a le péché du pied à la tête, c'est qu'il y a le diable là, le roi du péché. Dieu dit non. Dans ma grande miséricorde, moi je vais sauver ces hommes. Parce que je suis le Dieu de miséricorde. Jonas, je t'envoie là-bas. Tu vas leur parler de l'évangile du salut. De l'éternel des armées, le Dieu sauveur. Le Dieu qui pardonne les péchés. Jonas dit non. Ces gens-là méritent. Ils méritent la mort. Ils sont mauvais. Moi, je n'irai pas là-bas. Je te connais, éternel. Tu es le Dieu d'amour. Ces gens-là ne méritent pas la grâce. Ils sont mauvais. Jonas prend un autre chemin. Il prend un bateau. Dans ce bateau, il n'était pas seul. Il était avec des païens. Le bateau a des problèmes. Il est honnête parce qu'il va dire au capitaine du bateau, je suis responsable de vos ennuis. C'est à cause de moi que vous avez des difficultés. C'est à cause de moi qu'il y a la tempête. C'est moi le responsable. On va lui dire, qu'est-ce qu'il y a? Le Dieu de mes pères m'a envoyé quelque part, mais moi je ne veux pas. C'est pourquoi on a des problèmes. Si vous voulez avoir la paix, il n'y a qu'une seule solution. Prenez-moi, jetez-moi dans la mer et vous verrez, vous n'aurez plus de problème. Parce que c'est moi qui ai le problème de la situation. On balance Jonas dans l'eau. Jonas se retrouve dans l'eau. La Bible dit, un gros poisson est venu. Ah, le poisson l'a seulement avalé. Mais Dieu a toujours les regards sur Ninive. Dieu doit sauver les gens de Ninive. Est-ce que Jonas était le seul enfant de Dieu sur terre? Non! Il y avait d'autres enfants de Dieu. Je veux que tu comprennes que ce que Dieu a tracé sur cette terre, que c'est toi qui dois l'accomplir, c'est toi qui dois le faire. Mais malheur à toi si tu ne le fais pas. Dieu doit le faire. Dieu n'a pas dit, bon, Jonas, tant pis, un poisson l'a avalé et puis il est rebelle. Moi, je vais regarder parmi les enfants d'Israël, je vais chercher quelqu'un d'autre pour aller à Ninive. Non, Jonas. Le plan de Dieu pour Jonas, c'est Jonas qui doit l'accomplir. C'est pourquoi si tu ne veux pas toi, parce qu'il y a des personnes qui ont reçu l'appel, il y a des personnes, Dieu leur a dit de faire quelque chose, mais ils traînent les pieds. Mais je te dis que si tu traînes les pieds, si tu es au milieu des païens, tu as honte de Jésus, parce que Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi, j'aurai honte de lui devant mon Père et ses anges. La Bible dit, Jésus est assis à la droite de Dieu, c'est notre avocat, il intercède pour nous. Quand tu vas te mettre devant Dieu, Dieu n'écoute parce que Dieu et son fils sont comme ça, ils sont un. Tu vas trouver Jésus assis, d'accord? Tu avais honte de lui sur terre. Tu t'imagines quand le Père va te montrer tes péchés, l'avocat Jésus ne dit rien. Jésus, Jésus, c'est trop tard, tu avais honte de moi sur terre. Les anges vont t'amener dans le lac de feu. Jésus est là tranquille. Tu avais honte de moi? Tu avais honte de moi au milieu des hommes? Tu me dis quoi? Moi, je veille sur ma parole. Moi, je ne change pas de bouche. J'ai dit que l'homme sur terre qui aura honte de moi, moi aussi, quand il viendra ici, j'aurai honte de lui devant mon Père. Je n'interviendrai pas pour lui en sa faveur. Je ne le ferai pas. Je ne peux pas changer de bouche. J'ai dit, celui qui aura honte de moi sur terre là-bas, moi aussi ici, j'aurai honte de lui. Je ne peux pas faire le contraire. Je respecte ce qui sort de ma bouche. Et c'est comme ça que les anges vont t'entraîner dans le lac de feu. Il ne faut pas avoir honte de Jésus. Il ne faut pas avoir honte. Parle, parle. Même si ces gens ne croient pas à toi, parle. Fais ta part. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est de parler. Jonas, le plan de Dieu pour toi, Jérémie, avant que tu ne sois formé du ventre de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. Il faut que tu accomplisses le plan de Dieu. Ma question, mon frère, ma soeur, qui va échouer parmi nous, les enfants de Dieu? Qui va échouer? C'est-à-dire, il n'a même pas fait un centimètre de ce que Dieu attendait de lui. Qu'est-ce que tu iras dire à Jésus après ta mort? Tu n'as même pas parlé de lui à tes amis. Tu n'as même pas parlé de lui dans ta famille. Tu avais honte de lui. Qu'est-ce que tu auras honte de le regarder? Jésus t'attend devant. La mort, c'est quoi? Ça, c'est une enveloppe, le corps. Ce corps-là va aller pourrir. Le jour de ta mort, tu vas sortir de cette enveloppe et tu iras le voir. Moi, Teddy, qui te parle? Ça, c'est pas moi, ça. Moi qui te parle, tu ne m'as jamais vu. Tu ne me connais pas. Tu connais cette enveloppe. Mais moi qui te parle, je suis à l'intérieur. Quand je vais mourir, je sors de cette enveloppe. Ça, c'est l'enveloppe que tu vois. Tu ne m'as jamais vu. Tu ne connais pas Teddy. Tu connais l'enveloppe de Teddy. Son corps, son physique, c'est l'enveloppe. Je suis à l'intérieur de cette enveloppe. Quand je vais mourir, je sors définitivement de cette enveloppe. Et l'enveloppe, là, on le met dans le cercueil. Ça va pourrir, retourner à la poussière. Mais quand tu vas partir, Jésus va te dire, ok, à nous deux maintenant. L'heure a sonné et Jésus a dit il y aura des pleurs et des grincements de dents parce que là, il n'y a plus de miséricorde. La miséricorde, c'est maintenant. Il n'y a plus de « Seigneur, pardonne-moi !» Le pardon, c'est maintenant, ce n'est pas devant. Devant, c'est le jugement, tout simplement. Jonas ne veut pas aller. Dieu ne va pas en Israël choisir quelqu'un d'autre pour aller à Ninive. Jonas, c'est toi. Avant que tu ne sois formé du ventre de ta mère Jonas, moi j'avais établi dans mon plan que c'est toi qui iras à Ninive. C'est mon plan. Je ne le change pas, Jonas. Tant que tu ne veux pas aller à Ninive, tu auras des problèmes. Tant que tu ne veux pas aller à Ninive, tu n'auras pas de délivrance. Tant que tu ne veux pas aller à Ninive, tu n'auras pas de guérison. Tant que tu ne veux pas aller à Ninive, tu auras des problèmes. Tes entreprises, tes études, rien ne marche. Même dans ton couple, rien ne marchera, Jonas. Parce que là, c'est moi qui bénis. Moi, je ne bénis pas les rebelles. Je bénis les enfants obéissants. Je ne bénis pas les rebelles. Écoutez ce que Jésus a dit. Le Père m'exauce toujours parce que je fais toujours sa volonté. Le Père m'exauce toujours parce que je fais toujours sa volonté. Mon frère, ma soeur, si tu ne fais pas sa volonté, n'attends pas des bénédictions de sa part. Tu perds ton temps. Jonas s'est retrouvé dans les ennuis. Jonas s'est retrouvé, il n'avait rien, il avait faim dans la misère. Beaucoup d'enfants de Dieu, parce qu'ils tournent le dos à l'œuvre de Dieu, à ce que Dieu attend d'eux, sont dans des difficultés. Et tu vas appeler tous les hommes de Dieu, frère, j'ai besoin d'une délivrance. Tu vas appeler, ça ne marche pas, Jonas. Moi, j'avais établi que tu dois aller à Ninive. Tu n'es pas sur terre comme des païens. Toi, tu n'es pas sur terre comme des païens. L'autre était à Sodome et Gomorrhe au milieu des païens, des pervers, des homosexuels. Mais Dieu lui a dit, sors l'autre. Dieu nous dit de sortir du monde. On n'est pas du monde. C'est pas parce que les mondains courent, ils construisent des maisons, ils font des trucs, le commerce et tout. On ne doit pas les suivre. Nous sommes les élus. Nous sommes les élus. C'est important, bien-aimé. Tu ne sais pas le jour de ta mort, le jour où tu vas quitter là-dedans. Mais tu vas aller dire quoi devant? Parce que Dieu voit du 1er au 30 comment tu te comportes. Est-ce que tu annonces? Je te dis que le problème du péché a été réglé par Jésus à la croix. Les hommes n'iront plus en enfer à cause de ça. Les gens iront en enfer parce qu'ils ont refusé. Ils ont refusé la grâce. Tout simplement. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos et vous aurez le salut de vos âmes. Venez à moi, dit Jésus. C'est facile. Les choses ne sont plus compliquées. Celui qui entend la bonne nouvelle et qui croit à la bonne nouvelle. Jean chapitre 1. Celui qui croit à la bonne nouvelle et qui reçoit Jésus. Dieu lui accorde le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous vous rendez compte comment c'est facile pour que Dieu t'accorde le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Que tu sois disqualifié après. Parce que tu ne marches pas dans les voies de Dieu. Ça, c'est autre chose. Mais pour devenir enfant de Dieu, c'est l'évangile de Jean au chapitre 1. Bien-aimé, Dieu a un plan pour toi. Ne laisse pas passer les jours. Tu es à fond dans tes projets, les projets des choses de la terre. Projets. Oh, mon mariage, c'est samedi. Après, je dois construire à tel endroit. Bon. Je suis en train de dire, il me faut cette voiture. Ton cœur, ce n'est pas mauvais. Ces choses ne sont pas un péché. Mais quel est l'état? Est-ce que tu es dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que dans ton cœur, si tu es vraiment sincère, c'est l'œuvre de Dieu qui a la première place? Mon frère, ma soeur, l'œuvre de Dieu, c'est ça qui a la première place en toi. Parce que c'est ce que Dieu attend de toi. Quand il nous donne le souffle de vie tous les jours, ce n'est pas pour faire les choses du monde. Nous ne sommes pas de ceux qui se perdent. Mais nous sommes de ceux qui croient en Jésus. Nous faisons partie, nous sommes des élus. Jonas, à cause de sa rébellion, parce qu'il a le cœur ailleurs, il se retrouve dans la galère. Le ventre d'un poisson. Toi, tu es peut-être dans le ventre du démon d'alcool. Tu ne peux pas sortir. Toi, tu es peut-être dans le ventre du démon de sexe. tu n'arrives pas à s'en sortir. Toi, tu es peut-être dans le démon du ventre, de la drogue, de l'impudicité, du mensonge. Jonas est dans le ventre. Il veut sortir là-bas, fermé. Il veut aller là-bas, fermé. Il est dans l'estomac, tout est bouché. Il ne sait pas comment faire. Peut-être c'est ta situation. Tu as prié, zéro. Aucune délivrance, aucune guérison. Tu as bougé, zéro. Tu ne sais plus quoi faire. Il y a un monsieur qui m'a appelé de Grenoble. Oh, Teddy, prie pour moi. Je suis envahi de factures. Ça fait des mois. Je suis au chômage. Et pourtant, je réponds à des entretiens d'embauche. Ça ne marche pas. Je lui ai dit, mon frère, si Jésus te prend aujourd'hui, es-tu sûr d'aller au ciel? Il a commencé à bégayer, à tourner en rond. Il n'avait même pas l'assurance de son salut. Et il est étonné que rien ne marche. Quand Dieu voit dans ton cœur que c'est son plan, c'est sa volonté qui occupe la première place dans ton cœur, Dieu est un Dieu responsable. Il va agir. Jésus a dit, le Père m'exauce toujours parce que je fais sa volonté. Bien-aimé, beaucoup ne sont pas exaucés parce qu'ils ne font pas sa volonté. Jésus dit, regardez Jésus. Jésus ne va pas dire, oh Père, je te prie, fais ça. Oh Papa, je t'en prie. Oh, gna gna. Non. Quand Jésus regardait le ciel, il disait, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mais attends, il a d'abord demandé à quel moment. Parce que le Père l'exauce toujours. Parce que Dieu a les regards sur lui et voit qu'il fait tout le temps sa volonté. C'est pourquoi la bénédiction descend tout seul. Beaucoup ont des difficultés parce qu'ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Jonas, c'est à Ninive. Et vous allez voir, bien aimé, mon frère, ma soeur, fais la prière de Jonas. Jonas a dit, ok, Père, maintenant je suis prêt. Je te demande pardon. Je suis prêt à aller à Ninive. Dieu l'a délivré. Le poisson va venir le vomir au bord de la mer. Et monsieur Jonas, il va à Ninive annoncer la bonne nouvelle. Et la parole qu'il avait prêchée à Ninive a touché les cœurs, même le roi. La parole a touché, Dieu a fait grâce. Alors que le diable, lui, voulait que les hommes de Ninive aillent en enfer dans les temps de feu. Mais Dieu a déjoué ce plan. Quand Jonas ne veut pas aller à Ninive, Jonas faisait la volonté du diable. Le diable pouvait lui dire, ouais, Jonas, je suis avec toi. Fais pas aller à Ninive, vas-y Jonas. Et c'est ce que le diable te dit aussi. Ne prêche pas la parole. Si tu prêches la parole de Dieu, tu fais l'œuvre de Dieu. Si tu ne prêches pas la parole de Dieu, tu fais l'œuvre du diable. Et beaucoup font l'œuvre du diable. Le diable te dit, ferme ta bouche. Si tu lui parles de Jésus, tu auras honte. Toi-même, il va mal réagir. Il ne faut pas parler de ça ici. Il ne faut même pas qu'il te voie avec la Bible. C'est Satan qui te parle. Parce que Satan ne veut pas que la parole de Dieu soit annoncée. Celui qui ne prêche pas l'évangile fait la volonté parfaite du diable. Parfaite. Parce que la volonté de Dieu, Dieu te dit prêche. Satan te dit ne prêche pas. Ne prêche pas. Ils vont se moquer de toi. Ne parle pas de Jésus. Ils vont t'insulter. Ne parle pas. Dieu te dit, prêche mon enfant, ma fille, prêche. Je suis avec toi. C'est moi qui est important pour toi, pas leur réaction. Et même s'ils sont des lions, comme le cas de Daniel, le roi a dit, toi tu viens, tu ne veux pas faire des courbettes devant ma statuette. Foutez-le dans la cage au lion. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant était là. Aucun lion. Et pourtant les lions avaient faim. Les lions n'ont même pas vu ce Daniel qui était au milieu d'eux. Les lions étaient tranquilles comme des nounous. Parce que Dieu est Dieu. C'est pourquoi ne crée rien. Dieu va te récompenser. Il y aura des récompenses de l'autre côté. Il y aura des récompenses. Beaucoup vont pleurer parce que beaucoup seront disqualifiés. Vous connaissez la parabole des talents. Dieu a donné 10 talents à celui-là, 5, l'autre ça, 1 ou 2. Et puis, le dernier jour, c'est le jour du bilan. Je t'ai donné 5 talents, tu m'as rapporté quoi? Tu as rapporté combien? Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Tu peux construire des maisons et tout ce que tu veux sur terre. Mais c'est celui qui gagne les âmes pour Dieu qui aura la bénédiction. Et quand tu fais la volonté de Dieu, tu prêches la parole. La bénédiction te suit parce que tu es dans sa volonté parfaite. Puisqu'il a dit annoncer la bonne nouvelle. Donc quand tu l'annonces, Dieu est content, fier de toi. Jésus a réglé le problème du péché. Mais à nous de prêcher. Mais Satan te dit, ne prêche pas. Il ne faut même pas qu'il voit ta Bible. Il va se moquer de toi. C'est le diable. Parce que Satan sait que plus les hommes ne sont pas à Jésus, c'est des éléments sûrs à 100% pour lui dans le lac de feu. C'est pourquoi, bien-aimé, beaucoup cherchent la délivrance, beaucoup cherchent la guérison. Mais pose-toi la question, est-ce que tu as des problèmes parce que tu es comme Jonas, c'est-à-dire tu es loin du plan de Dieu pour ta vie? Parce que si tu es loin du plan de Dieu pour ta vie, parce que ton cœur est rempli d'autres choses, alors que Dieu lui veut que tu ailles là-bas, et ton cœur est rempli des choses du monde, tu ne seras pas exaucé. Si ton cœur est rempli des projets, des choses du monde, et que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ta priorité, tu t'en fous. Même si tu vas dimanche à l'église, tu rentres, les jours de vie que Dieu te donne, toi, tu les utilises pour tes projets, des choses de la terre. Tu oublies que demain, tu vas mourir, tout ça restera. Tout ça restera. Quand tu vas aller de l'autre côté, Dieu ne va pas te dire, ok, tu avais des millions, tu as construit combien de maisons? Tu avais un bon poste, tu gagnais du pognon. Combien de voitures tu as achetées? Dieu n'a pas besoin de ça. Parce que la Bible dit dans l'épître de Pierre que le monde aujourd'hui, comme Dieu avait détruit le monde avant par l'eau au temps de Noé, le monde aujourd'hui ce ne serait plus l'eau, mais il va le détruire par le feu. Dieu ne peut pas te dire pourquoi tu n'as pas construit beaucoup de maisons alors qu'il sait que le feu va passer par là. Mais si tu gagnes de l'argent, donne à tes frères et sœurs qui ont faim. Donne. Qu'est-ce que Jésus dit? J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais dans la rue, vous m'avez hébergé. À chaque fois que vous le faites, à ces petits-là qui croient en moi, c'est à moi, Jésus, que vous le faites. Faites la volonté de Dieu. Il y a des gens qui croient qu'il faut donner l'enveloppe à l'homme de Dieu qui est à l'estrade, comme ça Dieu va te bénir. Je veux que tu comprennes que quand Dieu nous regarde, il ne voit pas Archibishop et celui-là. Il voit ses enfants. Dieu, c'est un père de famille. Nous sommes ses enfants. Quand tu prends ton enveloppe, tu le donnes au frère là qui est pauvre, qui est dans l'église. Il a tout le temps la vieille paire de chaussures. Il n'a même, pour venir à l'église, il faut de les bus. Il n'a même pas de quoi acheter un ticket. Jésus dit, quand tu lui donnes, fais-le, toi et lui, afin que le Père qui voit dans le secret voit ce que tu as fait. Un. Deuxièmement, quand tu fais ce genre d'acte, ne sonne pas de la trompette. Tu n'es pas obligé de raconter ça à tout le monde, sinon tu perds ta bénédiction. Parce que pour que Dieu te bénisse, il faudrait que je vienne te voir. Bien-aimé, hein, tiens, je te donne ça discrètement, personne n'a vu. Seul le Père qui voit dans le secret a vu. Après, je ne raconte pas à tout le monde, il ne faut pas sonner de la trompette. Il ne faut pas que tout le monde sache que la veste qu'il porte là, c'est moi. Sinon, tu perds ta récompense. Beaucoup font des bonnes œuvres. Ils ne sont pas bénis parce qu'ils sonnent de la trompette. Arrête de raconter. Parce que la Bible dit, si tu racontes, tu perds la bénédiction. Il faut que tu fermes la bouche si tu as fait du bien. Tu n'es pas obligé de raconter ça à tout le monde. Hein? Deuxièmement, faut enlever de ta tête que Dieu va te bénir, que si seulement si c'est à l'homme de Dieu que tu as donné. Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, faites de toutes les nations des chrétiens. À chaque fois que tu donnes à un bien-aimé qui est dans le besoin, c'est à Jésus que tu donnes. C'est ce qu'il dit lui-même. Et ta récompense sera grande. Bien-aimé, il y a des gens qui n'auront pas de récompense sur terre ici, mais vous allez voir de l'autre côté. Vous allez voir de l'autre côté. Des surprises. Il y a des personnes ici, on n'entendait pas parler d'eux. Mais vous allez voir parce qu'ils font la volonté de Dieu sans sonner de la trompette. Ils n'ont pas besoin de crier partout, je suis ça, j'ai fait ça, j'ai fait... Non, ils ont la bouche fermée, ils obéissent à la parole. Et Dieu qui voit dans le secret, voit ce qu'ils font. Et Dieu, les récompenses nous attendent, bien aimés. Jonas, en ne voulant pas être dans le plan de Dieu pour sa vie, s'est jeté lui-même dans des difficultés, dans des blocages. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les blocages, dans les difficultés, parce qu'ils sont loin de ce que Dieu attendait d'eux. Au lieu de prier, je ne priais, Père, qu'est-ce que tu attends de moi? Père, est-ce que je suis à la bonne direction? Non, non, non. Il prie plutôt, prie pour moi. J'ai besoin de travailler là. Prie pour moi. J'ai tel projet. Prie pour moi. Oh là là. Tu crois que Dieu te donne le souffle de vie tous les jours pour ça? Non. C'est pour le salut des âmes qu'il te donne le souffle de vie. Si tu ne le comprends pas, tant pis pour toi. Il te donne le souffle de vie pour que les âmes soient sauvées. Pas pour l'accomplissement de tes projets. Non. C'est pour que les âmes soient sauvées. C'est ce qu'il attend de toi. Que Dieu te bénisse.